Question 28. Dans ce sens de circulation, je peux m'arrêter à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.